Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 46. De la durée des créatures. Le monde n'est pas éternel, c'est un article de foi. 1. Le monde a-t-il toujours existé? Il est écrit, « Glorifiez-moi, mon Père, de la gloire que j'ai eue en vous avant que le monde fût. » Jean 17, 8. Et, ailleurs, la sagesse dit, « Avant que le Seigneur créa aucune chose, j'existais. » Proverbe 8, 22. La révélation, comme on le voit, nous atteste la non-éternité du monde. On peut aussi par la raison établir que rien hors Dieu n'est nécessairement éternel. Il n'est pas nécessaire, en effet, que Dieu veuille autre chose que lui-même, et, conséquemment, il n'a pas été dans la nécessité de vouloir l'éternité du monde. En outre, les choses étant comme il veut qu'elles soient, il n'est pas nécessaire qu'à l'avenir le monde existe toujours. Il suit de là que la raison humaine ne démontrera jamais l'éternité du monde. Note. Quand on demande pourquoi Dieu a voulu que le monde ne fût pas éternel, nous pouvons demander, à notre tour, pourquoi il aurait voulu qu'il le fût. Un monde qui a commencé manifeste hautement la puissance du Créateur, en serait-il de même d'un monde éternel? Ce qui est éternel a-t-il aussi manifestement une cause que ce qui n'est pas éternel? Laissons donc au premier agent l'exercice de sa libre volonté, et croyons que si, dans sa sagesse, il n'a pas donné l'être au monde de toute éternité, il n'en a que mieux démontré qu'il en est l'auteur. Ne dites pas qu'un monde qui a commencé accuse un changement dans la volonté divine. De toute éternité Dieu a voulu que le monde parût dans le temps, et le monde a paru dans le temps, où est le changement dans la volonté divine? Fin de la note. 2. Est-ce un article de foi que le monde a commencé? La raison naturelle ne nous démontre pas que l'univers a commencé. La non-éternité du monde est une vérité que nous devons admettre par la foi, comme le mystère de la Sainte Trinité. Quand nous disons, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », nous faisons un acte de foi. Moïse lui-même n'a pas parlé autrement qu'en homme inspiré de Dieu, quand il a écrit ces mots, « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre ». Genèse 1, 1. Nous admettons que l'on ne trouve la démonstration de la non-éternité du monde ni dans le monde même, ni dans sa nature, ni dans la notion de sa cause. Mais la révélation, suppléant à la raison, nous apprend qu'il n'est pas éternel. Il est à craindre qu'en voulant démontrer témérairement les vérités de la foi par des preuves rationnelles, dont nous n'avons pas besoin, l'on ne donne occasion à la risée des impies, qui s'imagineraient peut-être que nous croyons sur de tels fondements les dogmes révélés. Note. Parmi les philosophes qui ont cru à l'éternité du monde, les uns ont dit qu'il n'a pas été fait par Dieu, ceux-là, on les réfute victorieusement. D'autres ont soutenu qu'il a été fait par Dieu, mais qu'il est éternel, parce que la création est hors du temps, et ils ont donné cette comparaison, si votre pied avait foulé la poussière de toute éternité, il y aurait imprimé des traces éternelles dont il serait la cause, ainsi que le monde a toujours été, de même que son auteur. Ces philosophes ne se réfutent pas aussi facilement que les premiers. D'autres prétendent que les hommes ont tour à tour habité et délaissé certaines régions du globe, que les arts perdus maintes fois ont pu être découverts de nouveau et perdus ensuite, que d'ailleurs il est absurde de s'appuyer sur des changements particuliers pour démontrer la nouveauté de l'ensemble du monde. Il faut l'avouer, Les défenseurs de l'éternité de l'univers font ainsi plusieurs objections qui paraissent insolubles. Aussi, comme on vient de le voir, est-il infiniment plus sage de n'enseigner que par la foi la non-éternité du monde ? Fin de la note. 3. La création des choses a-t-elle eu lieu au commencement du temps ? Il est écrit, « Dans le principe Dieu créa le ciel et la terre. » Genèse 1, 1. Le mot « principe », « in principio », a reçu trois interprétations. Les uns l'ont traduit par ces mots, « au commencement du temps ». Les autres ont dit, « Dieu a créé dans le principe, c'est-à-dire dans le Fils, par le Verbe ». D'autres, « Dieu a créé le ciel dans le principe, avant toute chose ». Dans ces trois acceptions, le ciel et la terre ont été créés simultanément avec le temps, et la création s'est faite au commencement du temps. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.